Et tout de suite sur Radio Audio, dans moins d'une minute, c'est qui ou quoi? Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Audio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue ce soir dans la 9e émission de la 3e saison de Qui ou Quoi sur Radio Audio. Une émission un petit peu spéciale ce soir parce que j'ai du public, même s'il ne m'écoute pas. Il y a le CA de Radio Audio qui est juste en face de moi dans le studio. Ils sont en train de faire autre chose que de m'écouter, mais bon, ça fait quand même du public. Mais une émission donc ce soir tout entière consacrée à des romans, car les auteurs fidèles et assidus le savent. Je parle ici de ceux qui ne ratent vraiment aucune émission, sous aucun prétexte fallacieux, pas même une panne d'émetteur, voire, je sais pas moi, pas même pour aller voir un concert de Catherine à Clermont-Ferrand par exemple. Bon, c'est-à-dire, à bien y réfléchir, je pense qu'il n'y a que moi, vu que même ma mère n'a jamais écouté une seule émission. Et bien donc, je vais devoir me répéter et répéter ce que j'ai dit lors de la dernière émission. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans l'anarchique présentation de livres que représente cette émission. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, enfin plutôt de l'émission dernière, je vais vous parler une semaine de romans, enfin une émission de romans, une autre de livres documentaires, une troisième de bandes dessinées, et finir par des livres jeunesse, et on recommence, etc., etc. Donc la semaine dernière, c'était livre jeunesse, et donc ce soir, je vous parle roman de science-fiction, ou plutôt d'imaginaire, avec Slade House de David Mitchell et Le Dog Noir de Neil Gaiman. Qui ou quoi, roman, c'est parti. L'été dernier, donc l'été 2019, juste avant la canicule, j'ai fait comme pas mal de monde, j'ai cherché des lectures d'été, des trucs légers, fun, qui se liraient facilement. Le résultat, j'en ai parlé dans la première émission de la saison 3, je vous y renvoie, donc les podcasts sont sur le site de Radio Audio. La conclusion c'est que c'était pas spécialement fun dans les livres que j'ai lus, qu'au final c'était un peu décevant, je vous spoil un peu si vous n'avez pas encore écouté l'émission. Toujours est-il que je n'avais pas prévu de lire que 3 romans, ce que j'ai fait finalement. J'en avais plein d'autres, mais je n'arrive à les lire que maintenant. Sur le haut de cette pile, il y en avait un que j'avais découvert via la liste des livres à lire cet été du journal Le Monde, et ce livre qui était mis en avant par François Angelier, le fameux animateur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Donc ce livre, c'était Slade House de David Mitchell. En toute objectivité, ce fameux François Angelier, c'est quand même un très bon prescripteur. Enfin, c'est mon avis et je le partage. Et comme je suis seul dans le studio, enfin, c'est ce que j'avais écrit quand j'ai préparé l'émission, mais finalement, je ne suis pas tout seul vu qu'ils sont pleins en face de moi. Bon, de toute façon, ils ne m'écoutent pas, donc de toute façon, il n'y a personne pour me contredire. Donc moi, en fait, quand François Angelier dit que c'est bien, j'y vais. Et donc, j'ai mis sur mon tas de livres à lire le Slade House de David Mitchell. Je l'ai lu qu'aujourd'hui, mais je vous en parle maintenant. Slade House, ça parle de quoi? Je suis décidément très mauvais à cet exercice. Je ferai un bien piètre éditeur pour les quatrièmes de couve. Je ne sais jamais s'il faut trop en dire ou rien du tout. Bref, donc Slade House, c'est une maison hantée qui apparaît tous les 9 ans en Angleterre. Et pour les gens qui la voient, le temps qu'ils comprennent que ce n'est pas normal que cette maison apparaisse, il est déjà trop tard. « En fait, ce livre, Slade House, c'est une variation de La Maison Hantée par un auteur anglais connu des amateurs de littérature de l'imaginaire, comme on dit, c'est-à-dire David Mitchell. Petite présentation de David Mitchell. Donc David Mitchell, c'est un écrivain anglais. C'est l'auteur de 6 romans, hein, pas plus, ni moins d'ailleurs. Il a eu le prix 2018 des Utopiales avec son livre précédent qui s'appelle L'âme des horloges. Et donc de fait, si on est un peu intéressé par ce genre de littérature, le nom se positionne d'entrée sur la carte des auteurs qu'on a envie de lire. Et puis, il y a aussi toujours des trucs rigolos à apprendre en préparant les émissions. En l'occurrence, à propos de David Mitchell, j'ai appris qu'il a été sélectionné pour un truc que je trouve complètement fou et dont j'ai voulu vous parler ici, qui s'appelle la Bibliothèque du Futur. C'est organisé par la Bibliothèque d'Oslo. Et c'est par une artiste qui s'appelle Cathy Peterson. L'idée, c'est de collecter 100 manuscrits originaux, un par un, d'ici 2114, parce que le truc a commencé en 2014, et qu'il n'y a que en 2114 qu'on pourra les lire tous d'un coup. Donc David Mitchell, c'est le second auteur sélectionné après Margaret Atwood, l'auteur de La Servante écarlate. Bon, vous dire ce que m'inspire cette bibliothèque du futur serait un peu long. Je trouve ça fou, poétique, désuet, génial, en gros quoi. Mais en ces temps de fait du monde plus ou moins programmé, je trouve ça juste hallucinant comme projet. Et puis l'idée du livre écrit pour rien, parce qu'en fait, on va pas pouvoir le lire pendant 100 ans, je trouve ça fou. Bref, David Mitchell fait partie de cela, et c'est quand même la preuve de l'intérêt porté à son œuvre dans le reste du monde quand même, parce qu'en France, il n'est pas très connu. Pour finir sur les points de présentation de David Mitchell, c'est aussi l'auteur du livre Cartographie des nuages, dont est tiré le film Cloud Atlas des sœurs Wachowski. Film dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas terrible, voire même complètement nul. Je devrais pas le dire vu que je n'ai lu ni le livre ni vu le film, mais c'est pour essayer de vous dresser un portrait le plus fidèle possible de comment moi j'ai pu appréhender le livre, parce que tout ça participe à la curiosité qui va me faire me lancer dans la lecture de Slade House. Revenons au livre proprement dit. Alors, sur la forme d'abord. Le fond, on en parlera un petit peu plus tard. Slade House, en fait, relève presque du recueil de nouvelles et pas d'un roman d'une traite, quoi. Chaque chapitre, en fait, nous raconte l'histoire d'un personnage différent. Et comme je l'ai dit, Slade House apparaît tous les 9 ans. Chaque chapitre se passe 9 ans après le précédent, ce qui permet de situer l'action de chaque chapitre et chaque personne dans une ambiance bien spécifique. Les années 70, 80, 90, etc. Au tout départ, le premier chapitre du livre, c'est une nouvelle écrite par David Mitchell sur Twitter. Donc imaginez un peu l'exercice littéraire, un nombre contraint de signes, et puis tous les deux par jour, je crois. Partie de ce chapitre qu'il a un peu étoffé, parce que je n'ai pas retrouvé les phrases du livre sur Twitter, on peut trouver donc les trucs qui correspondent sur Twitter, mais bon, après j'ai un peu de mal à chercher sur Twitter, je suis pas un spécialiste, mais j'ai pas retrouvé de phrases équivalentes entre le premier chapitre et ce qu'on voit sur Twitter. Mais donc, partie de ce chapitre, il en a écrit d'autres, et d'autres, et d'autres, et puis on obtient le livre Slade House. En fait, c'est une histoire de maison hantée comme personnellement j'en avais encore jamais vu. Parce que donc ces chapitres qui se répondent, mais qui correspondent à la. C'est comme la construction d'un puzzle qui va à la toute fin nous donner le fin mot de l'histoire. Le qui est le méchant, le pourquoi est le méchant, le comment est le méchant. Chaque élément de chaque récit dans chaque chapitre apporte un éclairage à la trame principale. Pour situer un peu l'ambiance, c'est-à-dire un peu plus le fond, on peut s'aider de référence. En fait, le livre se situe à mi-chemin entre Harry Potter, ok, c'est en Angleterre, mais en fait, j'ai pas vraiment réussi à identifier pourquoi ça m'a fait penser à Harry Potter, mais le fait est là, j'y ai pensé pendant tout le livre en le lisant. Donc on est à mi-chemin entre Harry Potter, le film d'horreur genre Amityville, pour la maison hantée, et Twin Peaks pour les ambiances vraiment cheloues. Donc ça, c'est donc vous avez de la référence littéraire et de la référence cinématographique. Un Harry Potter flippant d'horreur, quoi. Intéressant, non? Après, le style n'est pas fabuleux, à mon sens, mais l'imaginaire et l'ambiance mise en place, la construction du récit sont tellement intéressantes et réussies qu'une fois rentré dans le livre, difficile d'abandonner, parce qu'on ne peut pas ne pas savoir la fin, que je ne vous dévoilerai pas ici. Donc je vais clôturer là-dessus, c'est paru aux éditions de l'Olivier, ça s'appelle Slade House de David Mitchell, et c'est vraiment très bien, je vous le conseille. Friend of my word, blind. I am so blind. When we were young, we so wanted respect. We so born now, since we just like a pet. You don't have to pay, you don't have to shut your mouth. You made me some days a lot of the strongest. Blind. I am so c'était Blind de Frustration. On est de retour sur Radio Duo, dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 89.5. Après les ruelles anglaises et tout ce qu'elles peuvent nous inspirer, on reste en Angleterre, à croire que tout ça ne m'est venu que suite au Brexit. Bref, on reste en Angleterre et je vous propose la campagne anglaise, cette fois avec le dog noir de Neil Gaiman. En fait, je ne vais pas vous mentir, le Dog Noir dont je vais vous parler ce soir n'est pas un grand livre. C'est pas un vieux livre, ça date de 2018 pour la traduction française, mais c'est loin d'être le chef-d'œuvre de son auteur Neil Gaiman, mais c'était l'occasion pour moi de vous parler de Neil Gaiman justement parce que c'est un auteur très intéressant. Neil Gaiman est donc un auteur anglais, encore. après David Mitchell, qui évolue dans la littérature de genre, ou plutôt de l'imaginaire. Encore, vous me direz. Il a écrit, lui, par contre, il n'en est pas à 6, il en est à plus d'une trentaine. Il a écrit des romans, des livres pour enfants et autres BD. Parmi ses romans les plus connus, il y a Stardust, il y a Coraline, il y a American Gods. Dans les BD, il y a surtout un truc qui s'appelle Sandman. Je vous parlerai une prochaine fois d'un de ses meilleurs livres pour enfants qui s'appelle Les loups dans les murs, qu'il a fait avec un monsieur qui s'appelle Dave McKean. Je pense que j'en parlerai dans une émission qui ou quoi, livre jeunesse, justement. Et un autre élément régulièrement rappelé à propos de sa biographie, c'est qu'il a rafilé plusieurs prix, genre le prix Hugo, le prix Nebula, et j'en passe. Vraiment tout comme David Mitchell, mais avec un peu plus de bouteilles. Pour finir, comme David Mitchell, nombre de ses œuvres ont été ou sont en cours d'adaptation pour le cinéma ou en série pour la télé, Netflix et patin couffin. En France, ses livres sont édités au Diable Vauvert, et c'est le cas ici, hein, dans le Dog Noir de Neil Gaiman, c'est au Diable Vauvert. Mais ça me permet aussi, justement, pour le coup, de vous parler de cet éditeur indépendant qui, au fil des ans, construit un des catalogues les plus intéressants en France, enfin, à mon sens. Au Diable Vauvert, c'est une maison d'édition créée au début de l'an 2000 par une ancienne directrice de collection de J'ai lu, c'est-à-dire de livres de poche très grand public. Le Diable Vauvert a pour ambition, en fait, de désenclaver les genres littéraires. Ça, c'est ce qui est écrit sur leur site. Et moi, ce que j'en dis, c'est de proposer une espèce de nouvelle littérature populaire. Genre dans la lignée de Virginie Despentes, ou de Michel Houellebecq, enfin les premiers, qui étaient édités en poche chez J'ai lu. D'ailleurs, et c'était la créatrice du Diable Vauvert qui les avait édités chez J'ai lu. D'assez anecdotique au départ, le catalogue de l'éditeur s'est étoffé, on est quand même parti de trucs genre la biographie du bassiste des Ramones, qui n'était pas une grande réussite à mon sens, même si elle était traduite par Virginie Despentes, et aujourd'hui propose des auteurs confirmés, genre Neil Gaiman justement, des auteurs qui montent, des biographies sulfureuses, genre la biographie de Coralie Trinity, l'ancienne actrice pornographique, des écrits politiques, genre Juan Branco est édité chez Au Diable Vauvert, de la fantaisie réaliste, Patrick Doudnet, dont j'aimerais vous parler ici dans le futur, etc. Aujourd'hui, Le Diable Vauvert a fait sa place et donne très envie. Mais revenons donc à ce Dog Noir de Neil Gaiman, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui porte le nom de Ombre Moon, le nom du héros d'un autre livre de Gaiman qui s'appelle American Gods, mais bon, rien à voir au niveau de l'histoire et de l'ambiance. Donc un certain Ombre Moon qui est dans un pub, dans la campagne anglaise, et la soirée se passe agréablement avec les habitués, mais à la sortie, à la fermeture, il se retrouve à être logé chez un couple du cru qui lui raconte qu'il paraît que si on aperçoit un soir le chien Chuck le Noir, on meurt. Dit comme ça, ça ressemble furieusement à une espèce de conte de fées genre Sleepy Hollow, parce que je n'irai pas plus loin pour ne pas trop vous en dévoiler, c'est quand même pas un livre très très long. Et je pense que justement ça l'est, une espèce de conte. Mais sorti de là, l'ambiance n'est pas du tout au récit pour enfants comme Sleepy Hollow. De toute façon, avec Neil Gaiman, on se situe autre part, loin des canons du genre. Gaiman nous raconte le fantastique dans le quotidien. Et à mon sens, ça, justement, c'est la force de Neil Gaiman. C'est son imaginaire. Je n'arrive pas à savoir où il va chercher tout ça, comme dirait mon père. Personnellement, je ne suis pas fan de son écriture. Et je suis assez hermétique à son style. Enfin, son style traduit, parce que je ne lis pas les livres en VO, malheureusement. Mais ce que j'aime chez Gaiman, et c'est pourquoi j'y retourne régulièrement, c'est qu'il propose des choses que je ne vois nulle part ailleurs. Son imaginaire est tellement fort et n'a pas d'équivalent, pour moi en tout cas, que quand je lis un livre de science-fiction, de fantasy ou autre, j'arrive en général à imaginer les choses dans ma tête. Je vois des trucs, j'y suis, quoi, je suis transporté. Et avec Neil Gaiman, en fait, j'y arrive pas. Comme s'il dépassait ma capacité d'abstraction. Quand on vous raconte la relativité, qu'on essaye de vous l'expliquer, puis que en fait, vous comprenez pas, quoi. Là, c'est presque pareil. Donc, c'est extrêmement inconfortable pour moi. Mais c'est, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à accrocher à son style. Et en même temps, c'est extrêmement, extrêmement motivant, intéressant. Et puis, ça fait un peu rêver. Un peu comme de la peinture abstraite qu'on ne comprendrait pas. Bon, comme je l'ai dit en intro, ce Dog Noir, c'est pas un grand livre de Gaiman. Il révolutionne pas le genre, pour le coup. Le livre est très court. On retrouve d'ailleurs le texte dans un recueil de nouvelles qui a été édité aussi au Tableau Vert. Donc c'est vrai que si vous commencez par celui-là, vous ne retrouverez pas forcément tout ce dont je viens de vous parler. Ici, c'est surtout l'ambiance qui compte. Et pour le coup, c'est celle qui est vraiment dans tous ces livres. Petite cerise sur le gâteau quand même, justement pour les comme moi qui n'arrivent pas à imaginer ce qu'on leur raconte, ce que Neil Gaiman nous raconte. Cette édition, elle est illustrée par Daniel Egnéus. C'est un illustrateur suédois qui a souvent collaboré avec Gaiman pour illustrer ses textes, par exemple pour son livre le plus connu, American Gods. Pour ceux qui connaissent le travail, enfin... Pour ceux qui connaissent, je vais essayer de vous décrire son travail. En fait, c'est un travail qui est dans la veine d'un Dave McKean. Bon, là aussi, il faut connaître. Mais donc, Dave McKean, c'est un autre collaborateur fameux de Gaiman, dont je vous ai dit, je vous reparlerai dans une prochaine émission. Bref, Egnéus illustre le texte avec des dessins de toute taille, des pleines pages, des taches, etc. C'est en noir et blanc et à l'encre, mais ça participe, pour le coup, à la singularité de l'ambiance. Donc, comme je l'ai dit en intro, et je vais m'arrêter là-dessus, ce Dog Noir de Neil Gaiman, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, ce livre propose beaucoup de portes d'entrée pour l'œuvre de Neil Gaiman, et pour ceux qui s'en donneront la peine, c'est vraiment à découvrir, et le voyage en vaut beaucoup d'autres. Cooking and fucking. C'était Volt avec le morceau Couples. On est de retour pour la dernière partie de Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Qui dit dernière partie dit recommandation. Enfin, comme d'habitude, je vais vous parler de bouquins que je vais survoler. Des bouquins qui sont arrivés dans mon radar, que je n'ai pas encore eu le temps de lire et que je ne sais pas si j'aurai un jour le temps de les lire, mais en tout cas, je n'aurai pas le temps de vous en parler ici et que je trouve intéressant. Alors, vraiment rapidement, pour clôturer, enfin pour faire cette troisième partie, un petit détour d'actualité. Je vous avais parlé dans une ancienne émission d'un manga que j'avais beaucoup beaucoup aimé, qui s'appelle Radiant par Tony Valente, qui est un français. Et ben, le tome 13 vient de sortir, c'est toujours de la balle, et donc je vous conseille toujours, ben, si vous ne l'avez pas lu, de recommencer au premier pour lire jusqu'au 13 d'une traite. Normalement c'est comme ça que ça se passe, et puis ben, pour ceux qui ont déjà lu les 12 premiers, c'est cool, le dernier est sorti quoi. Ensuite, les petits livres dont je voulais vous parler ce soir, ont un rapport avec tout ce dont j'ai parlé. Tout à l'heure, je vous parlais de Margaret Atwood, donc celle qui a écrit La Servante Écarlate. Eh ben, vous le savez peut-être, mais en fin d'année dernière, elle a sorti la suite, parce qu'en fait, il y avait une suite au livre. Ne vous fiez pas à la série télé. Une suite qui s'appelle Les Testaments, qui vient de sortir et que moi, bah, j'aimerais beaucoup lire. Je vous ai parlé de Neil Gaiman j'ai quelques noms quand même de livres de Neil Gaiman à lire aussi, une fois que vous aurez lu Le Dog Noir et que vous aurez envie d'aller un peu plus loin. Et ben, il faut essayer Neverwhere de Neil Gaiman, il faut essayer Sandman, la bande dessinée. Alors là par contre, si vous vous engagez là-dedans, c'est une grosse grosse bande dessinée, il y a 10 tomes voire 11 tomes, c'est très très complexe, le dessin est pas forcément super sexy, faut vraiment rentrer dedans hein, pour le coup. Ils sont en train de travailler sur une adaptation, ils ont essayé déjà 2-3 fois, mais ils se sont toujours ramassés parce que c'est vraiment dense, vraiment complexe, mais vraiment très intéressant. Il y a American Gods aussi, ils en ont fait une série, mais le livre, j'ai préféré toujours le livre à l'adaptation. En tout cas, voilà, Neil Gaiman, n'importe quoi, allez-y. Et puis je voulais quand même finir sur un petit coup de cœur en rapport avec la fameuse bibliothèque du futur. Il y a une bande dessinée qui s'appelle X-Ville de Dylan Orox. J'avais mon collègue Vincent qui avait parlé d'une BD de Dylan Orox il y a maintenant un petit moment dans l'émission. Ça, c'était la première BD de Dylan Orox qui procède un peu du même truc, de cette histoire de bibliothèque du futur, un endroit où en fait seraient regroupées toutes les œuvres inédites des meilleurs auteurs du monde en bande dessinée. En tout cas, c'était une BD. Un truc qui m'a longtemps accompagné, qui m'a longtemps fait rêver. Et donc c'est pour ça que le projet de bibliothèque du futur m'a parlé. Dylan Orox X-Ville, c'est encore édité et c'est vachement bien, je vous encourage à le lire. Sur ce, on va clôturer l'émission. C'était donc la 9e émission de la saison 3 de Qui ou Quoi. Je vous ai parlé de deux romans, parce que c'était une émission spéciale roman ce soir, deux romans de littérature de l'imaginaire. Donc le premier, c'était Slade House de David Mitchell aux éditions de l'Olivier, et le second, Le Dog Noir de Neil Gaiman aux éditions du Diable Vauvert. On se retrouve dans 2 semaines sur l'antenne de Radio Dio. La semaine prochaine, ce sera l'émission Radio Gaga à ma place. Juste après, à 10h, potentiellement, vous retrouverez comme à la Radio Dio. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.